الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. La semaine dernière, on avait expliqué un seul hadith, c'est ça? Le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu sur le chapitre de du voyage de la femme sans mahram. Qui nous récite le hadith? Qui nous le récite? Hafid? T'es pas là. Qui le récite? Aziz? حسن تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة نعم. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ للبخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. أحسنت، بارك الله فيك. ثم قال المؤلف رحمه الله الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله باب الفدية. Le chapitre de l'expiation. الحديث الثالث عشر بعد المئة. Le 213e hadith. An Abdillah ibn Ma'qil qala jalastu ila Ka'b ibn Ujrah fasaltuhu 'an al-fidyati faqala nazalat fiyya khassah wa hiya lakum 'ammah. Humiltu ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wal qamlu yatanatharu 'ala wajhi. Faqala ma kuntu ara al-waj'a balagha bika ma ara aw ma kuntu ara al-jahda balagha minka ma ara. أتجد شاه؟ فقلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. رواه البخاري. Le 213e hadith, qui est le hadith de Abdullah ibn Ma'qil, qui dit, j'étais assis avec Ka'b ibn Ujrah, et je l'ai questionné sur l'expiation. Il m'a répondu, elle est descendue sur moi de façon particulière. Et elle est, mais elle vous concerne tous en général. Il parle ici des versets de Sourate Al-Baqarah, dans lesquels Allah Azza wa Jal cite l'expiation de celui qui a une maladie ou se rase les cheveux pendant l'état de sacralisation. Donc il dit, Ka'b ibn Ujrah radiallahu anhu, que le verset est descendu sur moi de façon particulière, mais le verset vous concerne tous. L'on m'a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les poux descendaient sur mon visage. On verra ce que signifie cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je ne pensais pas que la maladie avait atteint le niveau que je vois. Et dans une autre version, je ne pensais pas que la douleur avait atteint ce que je constate. Atajidusha, as-tu en possession une brebis? J'ai répondu non. Donc le professeur Hassan demande à Ka'b ibn Ujra s'il a en sa possession une brebis. Il a répondu non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, jeûne alors 3 jours, ou nourris 6 pauvres. À chaque pauvre donne la moitié d'un sa', rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une version d'Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de donner un faraq et de distribuer un faraq à 6, de partager un faraq avec 6 pauvres, ou de donner ou de sacrifier une brebis ou de jeûner 3 jours. On verra ce que signifie al-faraq. قال الشيخ البسام رحمه الله الغريب نزلت في يعني الآية وهي قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. Elle est descendue sur moi. Ici, il parle du verset qui est descendu sur Ka'b ibn Ujra, ou qui est descendu le concernant. Bien sûr, le Coran est descendu sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais ce verset concernait le cas de Ka'b ibn Ujra, qui est la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le verset 196 de Sourate Al-Baqarah. Selon le sens, si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une infection de la tête et doit se raser, qu'il donne en compensation ou qu'il compense par un jeûne ou par une aumône ou par un sacrifice. Thaniyan, humiltu bil bina'i lil majhoul. L'on m'a porté jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'on m'a porté, c'est-à-dire qu'il n'avait pas la possibilité de marcher seul et qu'il était aidé et que l'on l'a porté, que des hommes l'ont porté, jusqu'à ce qu'il arrive devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma kuntu ara. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu et a dit, je ne pensais pas. Bima'na adhun, je ne pensais pas. Ma ara, je ne pensais pas que la maladie avait atteint ce que je constate. Donc le premier ara a le sens de adhun. Ma kuntu ara bi fath al-hamzati bi ma'na adhun. Ma ara bi fath al-hamzati bi ma'na ushahid. Donc le professeur Hassan a dit ma kuntu ara al-waja'a alladhi al-waja'a balagha bika ma ara. Je ne pensais pas que la maladie avait atteint ce que je constate. Donc le premier ara a le sens de penser et le deuxième a le sens de constater. Al jahd bi fath al jim al mashaqqah wa bi dammiha bi ma'na al wis'u wat taqah wal murad huna al awwal. Al jahd avec la fatha sur le jim, a le sens de difficulté et contrainte. Et lorsque l'on dit al-juhd, al-juhd, c'est-à-dire la possibilité et la capacité. Vous voyez l'importance et la précision de la langue arabe. Les lettres sont exactement les mêmes, c'est juste la voyelle qui change sur le jim. Lorsque tu dis al-jahd, c'est la difficulté. Lorsque tu dis al-juhd, c'est la possibilité, la capacité de la personne. Et ici, le sens, c'est le premier. Al-faraq, bifath al-fa'i wal-ra, mikyalun yasa'u thalathata asu'in nabawiyah, wa taqaddama fi zakati tahrilu sa'in nabawi, wa makailun al-hadiratu wal-muqaranatu baynahuma. Al-faraq, qui est une mesure qui contient 3 sa'a. 3 sa' et un sa' c'est quoi? C'est 4 amdad. Un sa' c'est 4 amdad. Et le med c'est quoi? Amdad c'est le pluriel de mud. Et le mud c'est ce qui est contenu dans les mains lorsqu'elles sont ouvertes et jointes. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la version de Bukhari, a ordonné à Ka'b ibn Ujra de nourrir 6 pauvres avec un faraq. Et le faraq, c'est 3 sa'a. Et un sa'a, c'est 4 moud. Si l'on prend 3 sa'a divisé par 2, ça fait, divisé par 6 à afouane, de donner, naam, 3, naam, 3, un faraq qui est 3 sa'a. نعم مكيال يسع ثلاثة أصوع نعم donc si tu donnes 3 صاع si tu partages 3 صاع sur 6 personnes cela revient à donner un demi صاع par personne cela revient à donner un demi صاع par personne c'est ça ou pas نعم Et cela coïncide avec la version de Bukhari et Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les kulli miskin nisfu sa' à chaque pauvre la moitié d'un sa' donc que tu dises à chaque pauvre la moitié d'un sa' et que tu dises un faraq que tu divises entre 6 pauvres la quantité au final est la même c'est la moitié d'un sa' c'est La moitié d'un sa' et la moitié d'un sa' c'est deux mouts. Et Cheikh Al-Bassam dit que l'on a vu dans le chapitre de la zakat à quoi correspondait le sa' prophétique. Et ici, naam, ici une précision importante, c'est que le faraq concerne 3 sa' prophétiques. 3 sa' prophétiques. C'est-à-dire qui sont mesurés de par le moud du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et le moud al-Nabawi est-il quantifié à notre époque? Oui ou non? Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont en leur possession des récipients qui contiennent ou qui peuvent contenir exactement lorsqu'ils sont remplis Ils contiennent exactement ce qui était contenu dans les deux mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'elles étaient ouvertes et jointes. Et tout ceci est prouvé avec des chaînes de transmission. Du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons jusqu'à nos jours et des gens jusqu'à nos jours se transmettent le moud nabawi. De génération en génération et moi personnellement j'en ai un à la maison. Naam. المعنى الإجمالي رأى النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة في الحديبية وهو محرم وإذا القمل يتناثر على وجهه من المرض والأوساخ المتسببة من المرض وكان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما فرق لحاله وقال ما كنت أظن أن المشقة بلغت منك هذا المبلغ الذي أراه فأنزل الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل يجد أفضل ما يفدي به وهو الشاه فقال لا فقال إذا لم تجد الشاه فأنت مخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو غيره ويكون ذلك كفارة عن حلق رأسه الذي اضطر إليه في إحرامه من أجل ما فيه من هوام وفي الرواية الأخرى خيره بين 3 Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Ka'b ibn Ujra radiyallahu anh à Al-Hudaybiyah alors qu'il était en état de sacralisation pour accomplir la Umrah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Ka'b ibn Ujra et a vu les poux descendre sur son visage, donc de ses cheveux descendre sur son visage, à cause de la maladie que Ka'b ibn Ujra radiallahu anhu avait dans ses cheveux et à cause également des impuretés qui découlaient de cette maladie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était doux et miséricordieux envers les croyants, a été peiné par la situation de Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: je ne pensais pas que la difficulté avait atteint ce niveau, que la difficulté que te cause cette maladie avait atteint ce niveau. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu d'une part les impuretés qui découlaient de sa maladie, les poux qui descendaient sur le visage de Ka'b ibn Ujra, et le fait que cette maladie l'a affaibli au point qu'il ne pouvait plus se déplacer seul, mais qu'il était soutenu par d'autres compagnons, radiyallahu anhum. Allah Azza wa Jalla a alors révélé: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ. Celui d'entre vous qui est malade ou qui a une infection, une maladie infectieuse dans la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors demandé à Ka'b ibn Ujra s'il avait en sa possession ce qu'il y a de meilleur en termes d'expiation, à savoir de sacrifier une brebis. Ka'b ibn Ujra dit non. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam: si tu ne trouves pas, a dit que si tu n'as pas en ta possession une brebis, alors tu as le choix entre jeûner 3 jours ou nourrir 6 pauvres et donner à chaque pauvre la moitié d'un sa', que ce soit un sa' de blé ou autre. Et cela sera une expiation, pour avoir rasé les cheveux en état d'ihram, car le muhrim n'a pas le droit de se raser les cheveux. Et dans une autre version, et dans l'autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le choix à Ka'b ibn Ujra directement, sans lui proposer, lui a donné le choix, de nourrir 6 pauvres, de sacrifier une brebis ou de jeûner 3 jours. Donc la différence entre la première version et la deuxième, c'est que dans la première, le professeur Hassem lui a d'abord demandé s'il avait une brebis. Et on verra la divergence des savants à ce sujet. Il lui a dit non. C'est alors que le professeur Hassem lui a proposé soit de jeûner, soit de nourrir 6 pauvres. Et dans l'autre version, le professeur Hassem a donné le choix à Ka'b ibn Ujra directement, soit de sacrifier une brebis, soit de jeûner 3 jours, ou soit de nourrir 6 pauvres. ما يؤخذ من الحديث أولا جواز حلق الشعر للمحرم مع التضرر ببقائه ويفدي. Deuxièmement, ce qu'on retient du hadith. Premièrement, qu'il est autorisé de raser, il est autorisé à celui qui est en état de sacralisation de raser les cheveux lorsque le fait de laisser les cheveux apporte un mal. Donc, lorsque le fait que tu gardes tes cheveux te porte un préjudice alors que tu es en état de sacralisation, était autorisé de raser ses cheveux, ou yufdi, mais de donner une compensation. Donc le fait d'avoir une maladie des cheveux en état de sacralisation et de raser les cheveux, le fait que tu aies maladie ne te donne pas le droit de raser les cheveux sans compensation. Tu rases tes cheveux, mais en plus tu donnes une compensation. Le fait d'avoir la maladie ne t'exempte pas de l'expiation. ثانيا تحريم أخذ الشعر للمحرم بلا ضرر ولو فدا. Deuxièmement, on tient ce hadith qu'il est interdit de couper ses cheveux ou de les raser pour celui qui est en état de sacralisation lorsque le fait de garder ses cheveux ne lui porte pas préjudice, même si il donne une expiation. Il faut bien saisir la nuance entre les deux. Qu'est-ce qu'il est autorisé de faire? Pour celui qui a une maladie dans sa tête, le fait de garder ses cheveux lui fait du mal, alors qu'il est en état de sacralisation. A-t-il le droit de raser ses cheveux? Oui, mais il doit donner une compensation, une expiation. Une personne peut dire, moi, je suis en état de sacralisation, mes cheveux ne me dérangent pas, mais j'ai envie de les couper ou de les raser, mais je donne une expiation. Là, on lui dit, tu n'as pas le droit de raser tes cheveux ou de les couper, car ils ne te font pas de mal. Même si tu donnes une expiation, cela ne fera pas en sorte que ce que tu as fait n'est pas et autorisé, Afouane. Cela ne fera pas en sorte que ce que tu as fait est autorisé. Car tu as rasé ou coupé tes cheveux qui ne te font aucun mal, tu as commis un interdit, même si tu donnes l'expiation. ثالثا, إن الأفضل في الفدية ذبح شاة وتقسيمها على الفقراء فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وفي الرواية الأخرى التخيير بين الثلاثة ويأتي تحقيقه قريبا إن شاء الله. Troisièmement, on retient de ce hadith que le mieux est, en termes d'expiation, de sacrifier une brebis et de distribuer la viande aux pauvres. Celui qui ne trouve pas de brebis, celui qui ne possède pas de brebis, alors il jeûne 3 jours ou nourrit 6 pauvres et donne à chaque pauvre la moitié d'un sar. Et dans l'autre version, donc dans la première version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la brebis car c'est ce qu'il y a de mieux en termes d'expiation. Et dans l'autre version, le prophète Sam a donné le choix directement, soit de sacrifier la brebis, soit de nourrir 3 pauvres, soit de jeûner 3 jours. Et il y a un khilaf des savants à ce sujet. Est-ce que cela, c'est un choix ou est-ce que c'est un ordre? Est-ce que d'abord, tu dois sacrifier une brebis? Si tu ne peux pas, alors tu jeûnes 3 jours ou tu nourris 6 pauvres. Et d'autres savants ont dit que tu dois obligatoirement commencer par, que c'est une obligation de commencer par la brebis. D'autres savants ont dit non, le professeur Hassam a cité cela car ce qu'il y a de mieux à faire. Lorsqu'on dit mieux à faire, ça ne veut pas dire obligatoirement, ou cela ne veut pas dire que c'est obligatoire. Et Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, a consacré un chapitre ou a consacré une remarque particulière sur justement cette divergence des savants concernant les différentes formes d'expiation à ce sujet. رابعا كون السنة مفسرة ومبينة للقرآن، فإن الصدقة المذكورة في الآية مجملة بينها الحديث. Quatrièmement, on retient de ce hadith que la sunna vient expliquer le Coran et elle vient donner des explications et vient expliquer le Coran. Car dans le verset de Sourate Al-Baqarah, on a dit que le verset qui était descendu est فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Que celui, si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une infection de la tête, qu'il compense par un jeûne ou par une aumône ou par un sacrifice. Ici, la parole d'Allah Azzawajal par une aumône. Est-ce que c'est une parole qui est précise ou qui est générale? Qui est générale. Elle a été précisée par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et as-sadaqa ici signifie de nourrir 6 pauvres et de donner à chaque pauvre la moitié d'un sa. Donc la sunna vient expliquer et vient éclaircir le Coran. Ou vient donner des détails supplémentaires sur le Coran. خامسا ظاهر الحديث أن نصف الصاع يخرج سواء أكان من بر أو غيره وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد وهو الصحيح لظاهر الحديث أما المشهور من مذهب أحمد فيجزئ مد من بر أو نصف صاع من غيره. Cinquièmement, ce que l'on retient du hadith est que concernant l'aumône que l'on doit sortir, elle concerne la moitié d'un sa. Que ce soit un sa' de blé ou autre. Et c'est le madhab de l'imam Malik, al-Shafi'i, et c'est une version de l'imam Ahmed, rahimahullah, et c'est ce qui est authentique. Cheikh Bassem dit, wa sahih. Car c'est ce qui apparaît du hadith. Le prophète Bassem nous dit la moitié d'un sa' sans nous donner la nature exacte de ce sa'. Donc ça peut être du blé, de l'orge ou autre. Quant à ce qui est connu dans le madhab de l'imam Ahmed, c'est que cela concerne un moud de blé et la moitié d'un sa lorsqu'il s'agit d'autre que le blé. سادسا ظاهر النصوص نزول الآية بعد فتوى النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الآية مؤيدة للوحي الذي لا يتلى. Sixièmement, ce qui apparaît du hadith, c'est que le verset a été révélé après la fatwa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait révélé et donné la réponse à Ka'b ibn Ujrah. Ainsi, le verset est venu soutenir la révélation qui ne se lit pas. Qu'est-ce que ça veut dire la révélation qui ne se lit pas? Naam? Non. Al-wahy alladhi la yutla, c'est est-ce que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont révélation? Oui, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation, mais c'est une révélation qui ne se lit pas. C'est-à-dire, on ne récite pas les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la prière. Hein? On récite le Coran. Le Coran, huwa al-wahyu alladhi yutla. Le Coran, c'est la révélation qui est lue, c'est-à-dire pendant la prière. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, huwa al-wahyu alladhi la yutla. Et ici, le Coran, le verset étant révélé après la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ka'b ibn Ujra, eh bien, cela est un soutien, le Coran est venu soutenir et affirmer la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est une révélation qui ne se lit pas. Mais ça reste une révélation. Sabi'an, wa fihi ra'fatun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce hadith, la compassion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment lorsqu'il a constaté l'état dans lequel était كعب بن عجرة رضي الله عنه. ثامنا وفيه تفقد الأمير والقائد أحوال الرعية. Le retient également de ce hadith qu'il y a dans ce hadith la preuve que le gouverneur ou le responsable se doit de demander après ceux qui sont sous sa responsabilité. Car dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé après Ka'b ibn Ujra. Et s'est inquiété en ne le voyant pas. Et cela prouve que le gouverneur ou le responsable se doit de donner de l'importance à ceux qui sont sous sa tutelle et ceux qui sont sous sa responsabilité et de demander après eux. تاسعا الحق العلماء بحلق رأس تقليم الأظافر والطيب واللبس بجامع الترفه في كل منها وتسمى فدية الأذى. Neuvièmement, les savants ont ajouté et ont mis dans le même jugement que de raser les cheveux en état d'ihram, à savoir que celui qui rase ses cheveux, qu'il a une compensation, que le jugement est le même pour le fait de couper ses ongles, de se parfumer, de porter des vêtements, car en état d'ihram, on ne porte pas des vêtements qui épousent la forme des membres du corps. Et cela est appelé fidyatul adha. Cela est appelé fidyatul adha. عاشرا ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بكعب وبعضها أنه حمل إليه وجمع بينهم العلماء بأنه مر به أولا ثم طلبه فحمل إليه. Dans certaines versions du hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم est passé à proximité de Ka'b. Et dans d'autres hadiths, l'on a apporté Ka'b au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et les savants ont réuni entre ces deux versions en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est d'abord passé à proximité de Ka'b ibn Ujra, puis par la suite il a demandé à ce que l'on l'apporte à lui sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. 11 يجوز الحلق قبل التكفير وبعده ككفارة اليمين تجوز قبل الحنث وبعده. Onzièmement, on tient ce hadith qu'il est autorisé de raser les cheveux avant d'avoir expié comme de raser les cheveux après avoir expié. Comme l'expiation du serment. Il est autorisé d'expier avant d'avoir parjuré ou après. Tu as juré de ne pas faire telle et telle chose. Et tu as décidé de parjurer, de faire ce que tu as juré de ne pas faire. Est-ce que tu as le droit de faire ce que tu as juré de ne pas faire avant de faire l'expiation ou après? Tu as le droit de le faire avant comme après. Comme lorsque tu es malade et que tu dois raser tes cheveux en état d'ihram, que tu as une maladie à la tête et aux cheveux, tu as le droit de raser et ensuite de donner l'expiation, ou de donner l'expiation et ensuite de raser. Les deux sont autorisés. 12 سبب نزول الآية فمن كان منكم مريضا قضية إلى آخره قضية كعب بن عجرة ولكنها عامة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. Deuxièmement, nous retenons ce hadith, la cause de la révélation de ce verset. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. Le verset 184 de Sourate Al-Baqarah, la cause de la révélation est ce qui est arrivé à Ka'b ibn Ujra. Mais le verset est général, c'est-à-dire qu'il concerne tous les musulmans qui seraient dans ce même cas, et ceci jusqu'à la fin des temps. Car, al-ibratu bi'umum al-lafzi la bi-khusus al-sabab. Car, ce qu'il faut retenir, c'est le sens général du verset et non la cause particulière pour laquelle il a été révélé. Car ce qui prévaut, c'est le sens général et non la cause particulière. Et Ka'b ibn Ujra, radiallahu anhu, a lui-même admis cela lorsqu'il a dit « Nazalat fiyya wa lakum wa hiya lakum amma ». Ce verset a été révélé me concernant, mais elle vous concerne également, vous tous, de façon générale. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.